lendemain, à Winston, bonsoir. Comment recréer un corps social qui serait aussi le corps du sens? Du jour au lendemain avec Bernard Noël qui publie La castration mentale chez POL. Presque un nouveau livre, La castration mentale, Bernard Noël. Mais pas tout à fait quand même. Oui, non, il y a un noyau ancien qui comportait à peu près un peu moins de la moitié de l'étendue actuelle, si je puis dire, puisque j'ai repris 10 chapitres et il y en a 22. D'ailleurs, en composant ce livre, j'avais un petit problème qui était que j'aurais pu essayer de construire quelque chose qui ait l'air d'un essai continu, alors qu'il s'agit d'une marqueterie, au fond. Et puis, il m'a semblé qu'il valait mieux, en tout cas en ce qui me concerne, ne pas effacer les circonstances. Donc garder la trace de la circonstance qui avait motivé chacun de ces textes. Encore que certains aient été écrits uniquement pour compléter ce volume, et essayer d'en faire un trajet... avec un commencement et une fin, quoi. Il y en a un certain nombre qui ont été écrits pour être lus au cours des séances des états généraux de la culture, le mouvement animé par Jacques Ralit. Oui, enfin j'ai eu beaucoup de... Surtout dans les premières séances de ces états généraux, je ne sais plus en quelle année, je crois en 87, ça a dû commencer... Et au début, il y avait un élan extrêmement fort dans ce mouvement, qui ensuite s'est un peu tassé, peut-être parce que je ne crois pas qu'un mouvement semblable, enfin aucun mouvement au fond, puisse continuer sans produire quelque chose. C'est-à-dire, je ne crois pas que si on ne produit que des discours, enfin et des meetings, je ne crois pas que ce soit ça a sans doute une efficacité relative, mais au fond, mon rêve était que, si vous voulez, que les états généraux de la culture deviennent une espèce de centre de réflexion, éventuellement doublé d'une maison d'édition ou d'une maison de production. Évidemment, c'était plus compliqué à gérer que des interventions ponctuelles à propos d'événements précis, comme, si vous voulez, tout a commencé avec le projet de privatisation de TF1, Donc là, le combat était précis et pressé, si je puis dire. Mais ensuite, la première séance, il y avait vraiment un élan extraordinaire avec, la salle, une salle qui avait peut-être 800 places et au moins autant de gens à l'extérieur. Enfin, c'était un peu le petit mai 68, très bref. Il y a comme ça des paroles qui peuvent se proférer et s'échanger dans des réunions publiques et qui ne relèvent pas de la langue de bois. Oui. Parce qu'il y a... cette espèce de contexte humain, au fond de société, de micro-société qui se crée très vite par une espèce de concordance des énergies. Évidemment, ce moment est extraordinaire parce qu'il est... il y a une espèce d'animisme général qui fait que une certaine harmonie, au fond, se crée entre tous ceux qui sont là, et un certain... une présence intense, quoi. Évidemment, cette situation est extrêmement porteuse, et fait tout à coup que la... Oui, je craignais d'employer un trop grand mot, mais fait que la solitude diminue. Et alors que, bien, l'écriture, c'est toujours une entreprise solitaire, et là, tout à coup, il y a une sorte de passage immédiat qui fait que le sens afflue. Oui, au fond. La première version de la castration mentale n'est pas très ancienne, puisqu'elle date de 1994. Et le livre avait été publié par Ulysse fin de siècle. Donc, 3 ans plus tard, le volume grossit. On peut penser que ça n'aura pas de fin. Si. Non, mais au fond, Ulysse fin de siècle a été pour moi une rencontre très précieuse. Enfin, une demande plus exactement précieuse, parce que, à cause de cette demande, j'ai fini par rassembler le premier noyau de texte, ce que je n'aurais probablement pas fait. Simplement, ensuite, Ulysse n'ayant que des moyens de diffusion très restreints et le livre ayant disparu très vite, j'ai eu envie qu'il... Enfin, en même temps, je me suis rendu compte qu'il méritait peut-être d'avoir 2 ou 3 000 lecteurs de plus. Enfin, mérité, je ne parle pas de son mérite en tant que livre, mais de ce dont il débat. Si le débat est... grave, enfin ce qu'il est, je crois, on a envie évidemment qu'il soit partagé par un peu plus. Mmh. Enfin, l'espoir qu'il concerne un peu plus de gens, puisque ce dont il est question dans ce livre me paraissant gravissime, au titre de. Enfin, ça devient impersonnel, s'il ne s'agit pas de. Enfin. C'est pas simple, c'est pas l'auteur qui est en question, c'est la matière même du livre qui pose des problèmes dont je préfère, c'est pas une préférence, mais dont il me semble qu'il faut les débattre à un plus grand nombre. Ce qui était le cas d'ailleurs avec les états généraux de la culture. Sauf que l'éloge que j'en faisais, enfin de ce moment d'intense partage, c'est évidemment aussi très bref et très relatif. Parce qu'évidemment toute cette force partagée, ou cette énergie partagée plutôt retombe dès qu'on a quitté la salle, si rien ne le prolonge. Le titre que vous avez retenu, La castration mentale, ne mâche pas ses mots. C'est un titre un peu provocant, c'est vrai, mais qui s'est imposé, tout simplement, à un moment assez précis d'ailleurs, parce que enfin, l'une des séances des états généraux, il me semble-t-il la plus intéressante, a eu lieu à Berlin, en 91 ou 12, je ne sais plus. Et ça a été pour moi un moment très... au fond très important, oui, parce que je suis allé à Berlin dans l'illusion que la chute du mur avait tout résolu, et donc, que le bonheur était une idée neuve en Europe, selon la formule révolutionnaire. Et j'ai, sans le vouloir, donc sans aucune pensée d'enquête quelconque, si vous voulez, et sans y avoir passé beaucoup de temps, j'y suis resté un peu plus longtemps que n'ont duré les états généraux, mais peut-être 10 jours, et j'ai été très surpris de m'apercevoir que toutes les rencontres que je faisais, d'abord que l'Est existait toujours, y compris dans Berlin, parce que par exemple, il suffisait de passer l'ancienne frontière pour pouvoir téléphoner à Paris sans problème, alors qu'à l'Est c'était très compliqué, des choses aussi simples. Ensuite, tous les témoignages des gens ex-Est concordaient pour dire que... ils étaient en exil dans leur propre pays, qu'ils étaient traités comme des Allemands de seconde zone, enfin, etc., etc. Donc, surprise pour moi, si vous voulez. Et ensuite, au fond, le sentiment que la chute du mur n'avait pas apporté le bonheur, mais avait apporté simplement, au fond, avait en quelque sorte mis à nu ce qu'était véritablement l'Ouest, et non pas l'Est. Au fond, l'Est, on savait ce que c'était, les contraintes, la censure, etc., etc. Mais ce dont on s'apercevait tout à coup, c'est que cette censure que j'avais essayé de qualifier autrefois en mettant un S, c'est-à-dire privation de sens et non pas privation de parole, cette privation de sens faisait que ces gens de l'Est qui découvraient tout à coup la liberté, pour eux, la liberté, c'était avant tout la liberté d'expression. Et ils se rendaient compte tout à coup que cette liberté d'expression avait peu de poids, parce qu'il ne suffit pas de pouvoir s'exprimer, il faut encore en avoir les moyens. Et que ces moyens ne sont pas du tout donnés par la liberté, mais qu'ils sont au fond purement d'ordre économique. Et ensuite, ça m'a entraîné à commencer un travail que je n'ai pas fait d'ailleurs, qui était de faire une enquête sur ce que devient justement la culture quand la liberté, disons, théoriquement règne. Et j'avais commencé cette enquête en Pologne, où je suis resté assez longtemps. Et si vous voulez, j'ai rencontré là, entre autres, une femme, un poète, qui s'appelle Julia Hartwig, qui n'est pas traduite, malheureusement, mais qui incarnait en Pologne vraiment la résistance à l'Ancien Régime. Et elle avait, entre autres, manifesté cette résistance en publiant une anthologie de la poésie américaine, très, très bien faite, très solide. Et, si vous voulez, dans la conversation, tout à coup, elle a eu une réflexion que je n'oublierai jamais, parce qu'elle me semble résumer, au fond, la situation. Elle m'a dit, vous comprenez, aujourd'hui, on ne sait plus où est l'ennemi. Alors, je crois que c'est, si vous voulez, entre la censure avec un C, c'est-à-dire la contrainte, et puis la privation de sens, bien, en effet, quand on est sous le régime de la privation de sens, on ne sait plus où est l'ennemi. Et quand on ne sait plus où est l'ennemi, il est très difficile, évidemment, de se défendre, puisqu'on ne sait, à la limite, même pas qu'on est attaqué. Mmh. Alors, si vous voulez, au fond, dans cette expérience, à la fois celle dont je vous parlais, Berlin, puis la Pologne, je me suis dit, mais au fond, la censure avait quand même un certain nombre d'avantages. C'est qu'elle ne pouvait pas s'exercer sans que sa victime ne soit au courant. Alors, à partir de quoi, si vous voulez, la castration mentale, mais en même temps, c'est un mot, comment dire, fort pour désigner quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire que ça m'a frappé aussi au cours des diverses, surtout les dernières séances des États généraux, où j'ai essayé de parler de ça, de parler de cette espèce de terrorisme économique, au fond, et en m'apercevant qu'au fond, personne n'y croit. Je veux dire, à moins de pointer très exact un fait extrêmement précis, indubitable, mais qui est très difficile justement à désigner dans ce domaine flou de la privation de sens. Au fond, dans ce domaine, il n'y a pas de repère. Et comme il n'y a pas de repère, le comble de la privation de sens, évidemment, est exercé par l'univers médiatique. Et ça consiste tout simplement à, puisque cet univers ne demande à son spectateur que la passivité, et c'est pour lui faire plaisir en plus. Mais la passivité, évidemment, n'engendre pas la réflexion, et elle permet que le flot du spectacle, enfin ça c'est la chose connue depuis Debord, mais que le flot du spectacle remplace chez le spectateur le mouvement de la pensée. Alors ce qui est génial dans ce système, c'est qu'au fond, si vous voulez, tous les systèmes anciens, enfin celui qui régnait à l'Est jusqu'à la chute du mur, on voulait installer dans la tête de tous les citoyens la même chose, mais une chose, pensive, enfin, en principe. Je veux dire, on voulait installer la même pensée dans toutes les têtes, mais cette pensée, en tout cas au départ, existait en tant que pensée. Alors qu'aujourd'hui, au fond, ce qui suffit d'installer, c'est la non-pensée. Alors que toutes les utopies ont voulu partager une pensée forte. L'occupation des têtes suppose au contraire le partage d'un simple mouvement spectaculaire qui n'est que du mouvement pur. Alors ce qui est génial dans ce système, c'est qu'au fond, depuis des siècles et des siècles, tous les pouvoirs ont voulu contrôler la pensée, mais ils ne pouvaient, si je puis dire, en contrôler que l'émission. Tandis qu'avec le nouveau système, cette pénétration mentale par le spectacle, on contrôle le lieu même de naissance de la pensée. On annule plutôt le lieu même de la naissance de la pensée. Le sens, c'est le maître mot de ce livre, La castration mentale. Le sens étant, au fond, ce mouvement. Je crois que le sens, c'est avant tout un mouvement qui naît de l'exercice de la pensée, de l'exercice de la conscience, de la relation qu'on entretient avec, avec les livres, avec les autres, avec la société en général. Et ce sens, ce qui est peut-être difficile à assumer pour l'humanité d'aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales, c'est que ce sens, il faut que chacun en soit responsable. C'est-à-dire chacun de nous est un émetteur de sens. Mais en relation avec, évidemment, les autres, c'est peut-être ça la culture. Je veux dire, ce partage de tout cet univers, de tout ce qu'a engendré la langue, au fond, qui fait que nous avons en commun un tas de choses qui sont immédiatement là. On n'a pas besoin d'apprendre, on les partage en articulant même la même langue. Et ce partage est interminable. La religion nous enseigne. La religion est à la fois absorber tout ce mouvement et l'orienter vers Dieu, quoi. Enfin, vers une grande barbe centrale qui en principe, reversait le sens à chacun. Ce que je trouve génial dans la religion, au fond, c'est d'avoir fait. Enfin, comme système de contrôle, c'est d'avoir agi de telle sorte que cette extériorité qui était l'ensemble de la construction de la religion devenait par imprégnation collective la pensée intime de chacun sans que ça se sépare. Aujourd'hui, évidemment, c'est ce que recrée l'univers, mais c'est ce qu'ont essayé de créer les régimes totalitaires par le partage d'une pensée forte. Au départ, si vous voulez, le socialisme, c'était une pensée forte. Sauf qu'évidemment, si on l'avait exercée, ça devenait critique. Donc, elle n'a cessé d'être neutralisée. Mais je crois aussi que je crois volontiers que si l'Est s'est effondré, c'est parce que au fond, rien ne répondait à l'appétit de sens qui était créé par le système. Voilà, l'appétit d'une pensée forte, oui, qui s'était complètement figé, qui ne faisait circuler que des stéréotypes. Et que le génie particulier de notre libéralisme a été d'inventer une circulation qui n'appelle rien d'autre que la circulation. Le sens tel que vous en parlez, Bernard Noël, ça ressemble beaucoup au désir. Et j'ai presque envie de vous dire, le sens, c'est le phallus. Oui, tiens. Mais le désir, alors dans la réciprocité, quand même. Mais c'est vrai que... Oui, enfin, j'avoue que je n'avais pas pensé à cette... Mais il y a une chose qui m'a toujours... qui me travaille, enfin, que ce que vous dites me donne envie de dire, au fond, c'est que il me semble qu'on a besoin périodiquement de remettre les pieds au sol. Ce qui me permet de me remettre mes pieds au sol, c'est la pensée que, au fond, à la base, il n'y a qu'une chose très, très nue, si je puis dire, qui est que chacun de nous est à la fois un reproducteur d'espèces, mais aussi un reproducteur de langues. Et que nous sommes, pris dans ce double élan. Et en effet, cet élan, on peut l'appeler désir. Donc, désir de langue ou désir amoureux ou désir sexuel, tout se croise. Tout se croise vers l'autre. Tout se croise vers l'autre. Et il y a aussi peut-être ça qui est... J'avais parlé de choses graves ou gravissimes au départ, c'est que tout se croise vers l'autre. Pour que le sens s'intensifie, il faut qu'il se greffe dans une relation, évidemment. Relation qui peut être de divers types, la lecture, la conversation, le partage d'un social, etc. Et au fond, ce que la société médiatique a tendance à détruire, c'est justement cette relation, parce que la mise en, en, en situation passive du spectateur, d'une part. D'autre part, cette traversée de son espace mental par le flux spectaculaire sont des activités qui... Enfin, une non-activité plutôt, qui ne se vit que... Enfin, dans la solitude. Et puis qui est le contraire de la relation, au fond, puisque elle est le... C'est une occupation, une occupation au sens fort. Je veux dire que l'espace mental du spectateur télévisuel étant non seulement frappé de passivité, peut-être le plus difficile à dire, c'est que je crois que ce flux du spectacle, en s'installant dans la tête de celui qui regarde, je crois joue en plus, outre que ça occupe l'espace mental en le traversant, je crois en plus que ça joue un rôle parasitaire qui fait que cette énergie du spectacle, enfin cette énergie négative, si je puis dire, du spectacle, ne peut pas ne pas affecter la vitalité du regardeur. Et c'est ça le plus... Peut-être le plus difficile à articuler, peut-être. La castration mentale, ça serait quand l'occupation se confondrait avec le désœuvrement. Mais le désœuvrement est la condition, et la base, mais c'est une base inaperçue, puisqu'apparemment, il y a œuvrement, si je puis dire, puisque le flux occupe. Donc, il peut passer pour une activité. Enfin, c'est une activité qui est extérieure à l'individu, tout en lui étant... Oui, c'est ça, peut-être. Elle est extérieure à l'individu qu'elle traverse, mais elle devient aussi son intimité. Et le truc génial dans le système audiovisuel, c'est qu'il s'installe... chez chacun de nous, c'est-à-dire dans le lieu de l'intimité, la maison, l'appartement, etc., et qu'il cesse d'être étranger de ce fait même, donc ne signale pas son danger. Enfin, en même temps, tout ce que je dis jusque-là est purement négatif, il est évident que ça aurait pu être aussi autre chose. Enfin, ça pourrait être en effet une relation avec le monde, enfin ça l'est quelquefois, ou une relation avec l'autre, etc. Mais c'est visiblement pas sa fonction aujourd'hui, ni ce vers quoi on le dirige. Dans la castration mentale, Bernard Noël, qui paraît chez POL, vous parlez de l'illusion libérale. Ce qu'elle y a aujourd'hui, c'est moins une privation qu'une perversion de la liberté d'expression. Je crois que la condition de la censure avec un S, de la privation de sens, c'est en effet que la liberté d'expression semble totale. Et elle l'est à la fois, elle est totale. Simplement... je veux dire, il suffit pas de s'exprimer pour être entendu, ni en quelque sorte pour s'exprimer, puisque je crois que ce que l'Est a découvert avec la plus grande surprise, justement, c'est que la liberté d'expression ne suffisait pas et qu'il fallait encore en avoir les moyens économiques. Parce que bizarrement, dans les régimes de l'Est, la culture occupait une très large place, d'une part, et cette place était évidemment censurée, enfin plutôt ce qui s'exprimait dans tout ce flot de culture, dans tous ces lieux culturels à travers une activité considérable de journaux, de cinéma, etc. C'était évidemment une pensée contrôlée. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que la pensée a été contrôlée dans tout l'Occident jusqu'à une date assez récente et qu'elle n'a jamais empêché la création de toute notre littérature et de notre peinture, etc. C'est-à-dire que chacun... il y avait deux manières de réagir, évidemment, devant la censure. C'était soit de l'affronter face à face, et en général, on se cassait les dents ou on se faisait jeter en prison ou dans un asile. Et il y avait l'autre manière qui a toujours été pratiquée, c'est de dévier un peu le discours pour le rendre peut-être encore plus agressif, mais pas au premier degré. Et je me demande si, en même temps, si ça ne donnait pas une certaine vitalité, enfin, une dimension supplémentaire de vitalité et d'intensité à l'expression. Je dis ça parce que je me rappelle être allé à Prague en 80 et avoir rencontré là, entre autres, quelqu'un qui avait publié en sa mise date une traduction de la correspondance de Baudelaire, ce qui suppose un amour extraordinaire pour se traduire 900, 1000 pages, les taper à la machine et les faire circuler à 10 exemplaires. Enfin, c'est pas un geste de consommation, c'est vraiment un geste d'amour. Enfin, j'ai l'air là de faire l'éloge de la censure, c'est pas non plus mon propos. Et c'est simplement pour marquer la différence, peut-être, justement, entre cet amour et ce désintéressement, et puis le commerce, la marchandise. Ouais. Alors justement, dans un des textes de La castration mentale, vous faites l'histoire de la perversion du sens. Au départ, il y a Dieu, donc le sens va et vient à partir de lui ou vers lui, et la vie pouvait suivre, vaille que vaille. Ensuite, il y a la révolution et la laïcisation de la société. L'individu est devenu responsable du sens. Mais après, c'est la révolution industrielle. Et là, le sens est perverti. Le sens qui aurait dû procéder des valeurs définies par la fameuse triade républicaine, liberté, égalité, fraternité, je vous lis, a été orienté vers une seule, l'argent. Le corps social... c'est devenu le corps économique. Ben, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec certaines douleurs, puisque ça va s'accentuant, et ça va s'accentuant en cassant la société, enfin la fameuse fracture sociale. La crise, c'est ça. La crise, c'est ça. Il me semble que... Enfin, la crise, c'est ça, ça n'est évidemment pas que ça. Mais je crois que ce qu'on désigne par ce mot affreux qui est la marchandisation... C'est évident qu'il y a une marchandisation de toutes les valeurs. Et on peut se demander si... enfin, c'est assez probable que le renversement politique que nous venons de vivre a été dû au fait que tout à coup, quelqu'un avait l'air de représenter des valeurs simples, enfin, morales, qui... une parole juste, et que, bon, on est affamé de paroles justes. Reste bon. Mais ça, c'est pas dans votre livre. Non, mais c'est probablement le... je pensais que déjà en 81, Mitterrand avait été élu parce qu'on avait envie qu'un chat soit un chat. Malheureusement, le chat ne fut pas un chat. Taper sur la table, comme Paul Léoto. Mais c'est pas avec votre canne. Alors les hommes, dites-vous, voudraient aller vers le sens, mais leur appartenance au corps économique ne les porte que vers la consommation. C'est vrai que leur appartenance au corps économique les porte vers la consommation, mais ce corps économique est peu à peu substitué au corps social. Puisqu'il me semble que si la culture a... Enfin, outre le plaisir que peut y prendre chacun de nous, c'est difficile à définir la culture d'abord. Outre le plaisir que chacun peut y prendre, je crois que ce qui est important, c'est qu'elle soit étant le mouvement, qu'elle soit la pensée de ce corps social, qu'elle la représente, et que le danger, enfin, ce qui est en train de se passer avec ce cette marchandisation, c'est que la culture elle-même est en train, mais toujours dans le même circuit, est en train de devenir un produit de consommation et non plus un produit de du plaisir, enfin du désir que chacun de nous a justement de, à la fois de rencontrer et de produire du sens. Mmh. C'est-à-dire qu'on vit mieux qu'avant, mais on ne sait pas pourquoi on vit. Voilà. c'est vrai que c'est une question qui a l'air de rien du tout, mais qui est extrêmement grave, puisque ne plus savoir, ça met en l'air à peu près toutes les raisons de faire. C'est pourquoi il me semble, mais ça je ne suis pas capable de l'articuler, que en fait la solution de la crise économique, elle est dans la culture, et elle n'est pas dans l'économie. Ouais. Il y a une chose qui m'avait frappé, en particulier... vous savez, il y avait une espèce de grand messe de la gauche à Bercy, il y a, je sais pas, environ un an, où on voyait pour la première fois côte à côte sur une estrade Krivine, Robert Hue, Jospin, enfin, etc., Ouanet, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'au fond, tous ces gens, aussi bien que ceux de droite, ne pensaient pouvoir résoudre la crise économique que par des moyens économiques. Alors qu'il me semble, mais ça je suis incapable de l'articuler davantage, il me semble que la seule façon de sortir de cette crise, c'est d'abord de se mettre en dehors, pour la considérer enfin, comme un... Ne plus subir l'horreur économique. Ne plus subir l'horreur économique. Enfin, se mettre à l'écart pour voir comment ça se passe, et peut-être... oui, lui trouver des solutions qui ne sont... Je ne crois pas que les solutions puissent être d'ordre économique. Mmh. Il y a une fracture que vous diagnostiquez dans votre livre en constatant qu'un abîme s'est creusé entre le progrès technique et l'absence de progrès mental. C'est vrai que tout le travail que nous faisons, chacun de nous, est de plus en plus solitaire, au fond, et qu'il n'y a pas de... Mais aussi, c'est aussi pour des raisons économiques, je suppose, qui fait que la liaison entre ce qu'on désigne comme la recherche, mais la recherche, elle est multiple, et elle est dans tous les domaines, etc. Et que, il me semble que la littérature, au fond, était le lieu où la recherche pouvait... passer du plan expérimental, être diffusé dans le corps social, et que là quelque chose est rompu. Mais ça, il en allait peut-être déjà, si je suis en train de lire la correspondance de Mallarmé, c'était déjà sans doute comme ça au 19e siècle, à la fin du 19e siècle plutôt. Mais en même temps, le rôle de l'écrivain, me semble-t-il, n'était pas aussi coupé. Mais aujourd'hui, il est aussi coupé parce que il y a 36 types d'écrivains et que le... Celui qui est là-dedans. Celui qui est là-dedans. Alors justement, on retrouve la question que je posais en vous lisant au tout début de cette émission que j'ai choisie comme exergue. Comment recréer un corps social qui serait aussi le corps du sens ? La réponse est très compliquée, sans doute, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se décider. D'abord, nous ne sommes pas extérieurs à ce problème, à ce corps social. Et ensuite, c'est tout un faisceau de choses qui doivent se mettre en place. Embarrassé par votre question, au fond, je pense... à cette soirée dont je parlais au début, qui était la soirée de création des États généraux. Et c'est vrai que de temps en temps, dans des situations qui sont à la fois de crise, enfin comme a pu l'être mai 68, comme ont pu l'être les diverses révolutions ou certains moments de grève, enfin par exemple la grève de l'automne 95, qui était à la fois sombre, si je puis dire, sombre froide, enfin, un mouvement dans le froid et non pas justement dans la passion printanière, si je puis dire, et qui fait circuler un sentiment de solidarité. Enfin, ce sentiment de solidarité est indispensable, je crois, pour que les choses bougent. Et il est évidemment insuffisant parce qu'il s'éteint très vite, plus ou moins vite. Et c'est la conjonction. Enfin, je crois qu'il n'y a de solution que dans une conjonction, comme ça, d'enthousiasme au sens grec et théâtral, et puis une mise en forme qui, au fond, manque depuis fort longtemps. Ceux qui luttent, ceux qui résistent, donnent un sens à la vie de la même façon que les écrivains ou les artistes dont vous parliez tout à l'heure. Et tout ça fait un tout à un certain moment. Comme, je ne sais pas si on pense à des écrivains comme, je sais pas, Maïakovski tout à coup, ou comme Darwish, pour prendre un exemple beaucoup plus proche. Darwish tout à coup coïncide avec cette espèce d'élan de son peuple qui a envie de trouver un sens qui n'est pas seulement nationaliste, qui est l'envie d'exister. L'envie d'exister, c'est aussi l'envie de, ben justement, que les choses, que la vie ait un sens, et que le désir soit non seulement, enfin, soit dynamique, non seulement satisfait, mais soit dynamique. Enfin, créer une dynamique. Alors, bizarrement, tout à coup, quelqu'un coïncide avec cette dynamique. Enfin, une voix coïncide avec cette dynamique. Un livre comme La castration mentale, Bernard Noël, n'est peut-être pas celui qu'il faut lire pour retrouver cet été sa sérénité sur les plages. Vous dites, par exemple, que notre culture est en péril, parce qu'elle est à la veille de devenir le produit numéro un de la consommation mondiale. Oui, c'est ce qui est... Les gens qui nous écoutent en ce moment sont des consommateurs. Bon, à cette heure-là, je ne pense pas. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que... Justement, je pense à l'heure à laquelle on nous écoute. Il faut toujours faire un effort pour qu'il y ait un partage, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un effort. Et que c'est ce que nie la passivité médiatique. Enfin, la passivité qu'exige seulement le flux médiatique. Mais la radio a un avantage considérable qui est que elle ne mobilise que l'écoute. Elle laisse la pensée libre. Alors c'est aussi étrange que le fait d'occuper à la fois les yeux et l'oreille fait qu'on ne peut plus penser. La télévision meuble la pensée. Elle est le meuble de la pensée. Elle est le meuble. Elle est même le radiateur. Enfin, à côté duquel le cancre s'assoit. Je pense que l'occupation des esprits est suffisante comme forme de pouvoir, mais évidemment, ce qui brouille un peu les cartes, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir n'a pas renoncé à utiliser les armes anciennes, c'est-à-dire la violence, etc. Ça dépend des pays, mais cette violence est toujours présente à l'arrière-plan. Alors qu'en réalité, le pouvoir n'en a plus besoin. Au fond, on a besoin de conserver les consommateurs au lieu de les supprimer. Mais peut-être que, au fond, je me disais, ça, c'est horrible à penser, que peut-être que les pays où l'on massacre sont peut-être des pays où il n'y a pas de consommateurs, pas encore. Vous pensez que la révolte est impossible ? Non, la révolte est toujours possible, mais elle n'est pas nécessaire. Elle est le plus souvent impuissante. Parce qu'elle a besoin de s'insérer peut-être tout simplement dans le corps social. À ce moment-là, elle change de nom. Quand la révolte s'insère, enfin trouve sa place dans le corps social, c'est la révolution qui commence. La révolution est un mot difficile à prononcer aujourd'hui, Mais c'est peut-être la force des ennemis de la Révolution d'avoir rendu l'emploi de ce mot difficile. Vous lancez un appel à la fin de votre livre. J'appelle au désespoir parce qu'il possède une énergie propice à la colère. Oui. L'espoir m'a toujours semblé, enfin peut-être pas toujours, mais l'instrument ou le moyen le plus propre à faire supporter le présent, c'est-à-dire l'oppression. Les lendemains qui chantent, c'est une façon de faire en sorte qu'ils ne chantent jamais, quoi. Enfin, l'expression est désuète aussi. Mais la chose ne l'est pas, je crois.